إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer inshallah tabarak wa ta'ala l'histoire et le récit du prophète Shu'aib alayhi salat wa salam. Le prophète Shu'aib alayhi salat wa salam, qui est connu dans la Bible sous le nom de Yathrun, est un des grands prophètes d'Allah mentionné de nombreuses fois dans le Coran. Son récit est mentionné près d'une dizaine de fois, ce qui nous pousse à nous arrêter dessus et méditer sur ses circonstances et ses différents épisodes. Concernant la généalogie du prophète Shu'aib alayhi salat wa salam, les savants ont divergé entre eux. Certains ont dit qu'il fut un descendant d'Ibrahim alayhi salat wa salam, en disant qu'il est Shu'aib, fils de Yashkhur, fils de Lawi, fils de Ya'qub, qui est le petit-fils d'Ibrahim. D'autres disent qu'il est Shu'aib, fils de Nuwaib, fils de Ra'wa'il, fils de Ifa, fils de Madian, fils d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Troisième catégorie de savants disent qu'il est Shu'aib, fils de Sifur, fils de Ifa, fils de Thabit, fils de Madian, fils d'Ibrahim, alayhi salat wa salam. D'autres généalogies furent évoquées. Il y a même des historiens qui ont rapporté que la grand-mère de Shu'aib, ou son arrière-grand-mère, est l'une des deux filles du prophète Lot, alayhi salat wa salam. Au-delà de la généalogie du prophète Shu'aib alayhi salat wa salam, nous savons de manière certaine que l'avènement de ce prophète est postérieur à celui de Lot, car Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma qawmu lutim minkum biba'id, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas loin de vous. Sourate numéro 11 verset 89. En effet, à travers ce verset coranique, le prophète Shu'aib alayhi salat wa salam a évoqué le peuple de Lot et ce qui leur est advenu afin qu'ils s'exhortent et tirent des leçons de ceci. Quant à son peuple, ils sont descendants eux aussi de Madian. Madian qui est un des fils d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Ils ne sont donc pas des Arabes de souche, mais ils se sont arabisés au même titre que les descendants d'Ismaïl. Dans leur langue et dans leurs coutumes. Et ceci, en regard du fait qu'ils se situaient à proximité des tribus arabes du nord de la péninsule arabique et qu'ils se situaient sur la route menant à l'Égypte. Leur région s'étendait de la mer Rouge à l'ouest jusqu'à Tabouk à l'est et Ma'an au nord et aux abords du Chem. Toute cette région était la région de ce peuple. Et elle se constituait de villes, comme elle se constitue aussi de campagnes. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, le peuple de Madian était un peuple arabe qui habitait la ville de Madian, située dans la région de Ma'an, au Chem, au nord du Hijaz, près du lac du peuple de Lout. Ses habitants étaient mécréants, pratiquaient le brigandage, terrorisaient les voyageurs, et ils adoraient El Aïka, qui est un arbre touffu poussant en bordure d'un marais. Ils comptaient parmi les gens au pire comportement, lésaient les gens dans la pesée et la mesure, fraudaient en prenant plus et en donnant moins. À cet effet, Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le messager d'Allah Shu'aib, alayhi salat wa salam, qui les appela à l'adoration d'Allah l'unique sans lui donner aucun associé, et leur interdit de commettre des actes infâmes, comme le fait de léser les gens et de terrorifier les voyageurs. Certains parmi son peuple crurent en lui, mais la plupart rejetèrent son message, jusqu'à ce qu'Allah fasse s'abattre sur eux un dur châtiment, et c'est lui le maître le digne de louange. Fin de citation. Allah nous rappelle ceci dans le Coran, notamment à travers la sourate numéro 7, Al-A'raf. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Sourate 7, verset 85. Et vers Madian, nous envoyâmes leur frère Shu'aib, qui leur dit, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Vous est certes venue une preuve claire de votre Seigneur. Une preuve claire et irréfutable, prouvant la véracité de mon message. Le prophète Shu'aib, alayhi salatu wa salam, les appela en tout premier lieu à la réforme du cœur, au tawhid, en leur rappelant ce signe évident avec lequel il est venu prouver la véracité de son message. Il leur dit ensuite, dans les versets qui suivent, فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Allah dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, effectuez de bonnes mesures et de justes pesées. Ne cherchez pas à léser les gens en payant leurs biens au rabais, et ne semez pas la corruption et le désordre sur terre. Cela sera ainsi mieux pour vous si vous êtes de vrais croyants. Évitez aussi de vous dresser en travers de chaque route pour menacer et obstruer le chantier d'Allah à tous ceux qui veulent croire en lui, en passant et en cherchant des sentiers tortueux. Rappelez-vous lorsque vous fûtes un petit nombre et Allah a accru votre nombre et regardez quelle fut la fin des corrupteurs sur terre. Si un groupe parmi vous a cru à mon message et qu'un autre l'a rejeté, attendez-vous alors qu'Allah tranche entre nous et il est le meilleur des juges. Ce que l'on remarque à travers ces versets coraniques, c'est que le prophète Shu'aib alayhi salatu wa salam, après les avoir appelés au tawhid, les appela à trois grands principes, presque universels. Le premier, c'est le respect des droits et des devoirs dans les transactions financières. En effet, à travers sa parole, effectuez de bonnes mesures et de justes pesées et ne cherchez pas à léser les gens en payant leurs biens au rabais. Respectez les droits de ceux qui achètent et de ceux qui vendent. Le deuxième grand principe auquel il a appelé après le tawhid est le respect de l'organisation de la communauté et le respect de ses intérêts. Lorsqu'il dit et ne semez pas la corruption sur terre et le désordre sur terre. Et enfin, le troisième grand principe auquel il appela, c'est le respect de pouvoir adopter la guider librement, de pouvoir adopter la vérité et de suivre la vérité librement. Lorsqu'il dit, évitez aussi de vous dresser en travers de chaque route pour menacer et obstruer le sentier d'Allah à tous ceux qui veulent croire en lui, en passant par des sentiers tortueux, c'est-à-dire en cherchant des sentiers tortueux et en écartant les gens et en déviant les gens de la voie droite dans toute sa rectitude. Nous évoquerons la semaine prochaine, inshallah, tabaraka wa ta'ala, plus en détail, les différentes exactions que commettait son peuple, quelle fut la réponse du prophète Shu'aib à leur égard, et comment Allah tabaraka wa ta'ala se chargea d'eux au final. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.